another thanksgiving. Amen. Aujourd'hui c'est le commencement d'un autre action, jour de action de grâce. Amen. Heute ist der Anfang von einer neuen Danksagung. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The last Sunday of the month. Der letzte Sonntag diesen Monat. C'est le dernier dimanche de ce mois. And some have not even blessed the house of Christ even for this last month. Amen. Und einige haben noch nichts gegeben für Oktober. Il y a quelques personnes qui n'ont pas donné pour octobre. Don't dodge Christ. Bitte versucht euch nicht vor Christus zu scheuen oder ihn abzuwehren. Et il faut pas essayer de limiter. Éviter Jésus-Christ. Please don't dodge Christ. Versucht bitte nicht von Christus auszuweichen. Ah, danke, auszuweichen, ja. Il faut pas éviter, hein? Esquiver, voilà. Esquiver le Christ. Mm. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Imagine if the widow woman dodged Elijah. Stellt euch vor, wenn die Witwe Elijah ausgewichen wäre. Imaginez-vous si la femme veuve avait esquivé Élisée. Amen. Amen. Elijah told this woman, "Give me your last meal." Elijah hat zu dieser Frau gesagt, gib mir dein letztes Essen. Élisée a dit à cette femme, donne-moi ton dernier repas. Imagine if this woman dodged Elijah. Mal vor, diese Frau wäre Elijah ausgewichen und hätte ihm nicht gehorcht. Imagine-toi que cette femme avait esquivé Élisée et n'avait pas obéi à Élisée. That last food could have really been last food. Dieses letzte Essen hätte dann wirklich ihr letztes Essen sein. Et le dernier repas de cette dame serait vraiment le dernier repas de cette dame. Amen. Mm. If you read that, you see that supposed last food was now the beginning of the new food. Aber dieses letzte Essen wurde dann zum Anfang vom ewigen Essen, von der ewigen Versorgung. Mais si tu vois bien, tu vas voir que ce dernier repas est devenu le commencement du repas éternel pour cette dame. Ça a commencé maintenant, elle a commencé à avoir maintenant beaucoup de repas à travers ce dernier repas. Ce soi-disant dernier repas. Dodging Christ means yes to Satan. Christus auszuweichen bedeutet dem Satan ja zu sagen, ihm sich ihm hinzugeben. Dès que tu tenterais de esquiver l'éternel Jésus-Christ, c'est comme si tu tenterais de dire oui au diable. Praise the Lord. Amen. Please go to Proverbs 3. Sprüche 3. Va allons à Proverbe 3. From one, I will quickly read from one because of this. Eins. This Proverbe 3:1. He said, "My son, forget not my law." It's the Lord talking to you and me. C'est le Seigneur qui me dit et qui parle. L'Éternel qui parle à toi et moi. It's Christ talking to you and me. C'est Christ qui te dit et moi. C'est le Christ qui parle à toi et moi. Amen. Christ has his own law. Denn Christ hat seine eigene Lehre. Parce que lui, il a ses propres principes. Comme il dit ici, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur ne garde mes préceptes. Amen. My son, forget not my law. But let thy heart keep my commandments, the commandment of Christ is believing Christ. Das Gebot von Christus bedeutet, Christus zu glauben. Il a dit, n'oublie pas mes enseignements et crois à mes commandements. Et ces commandements sont de croire en Jésus-Christ. He said, for the length of days and long life and peace shall they are to thee, are to live long. Wie wir langes Leben haben. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, comment avoir une longue vie quand tu cries, tu l'as une grande vie, une longue vie quand tu crois en Jésus-Christ. You know, First John told us Christ's commandments. First John. Yes, Johannes, c'est mes Amen. 1 Jean nous fait voir les commandements du Christ. Praise the Lord. Yeah. Jesus help us to understand that his commandment, his own commandment, not Moses' commandment, is believing him. Jesus hilft uns zu verstehen, dass sein eigenes Gebot, nicht das Gebot von Mose, bedeutet, ihm zu glauben. Jésus-Christ nous aide à comprendre que ses commandements, pas les commandements de Moïse, là, ça, dans ses propres commandements, nous dit de croire en lui-même. And verse 2 said, for that is how you live long. Und Vers 2 steht, so lebst du lange. Et verset 2 nous fait voir que c'est comme ça que tu vas avoir une vie longue. It said that is how you have peace. Du hast du Frieden. Et c'est comme ça que tu as de la paix. Long life and peace shall be unto thee. You see that? Long life, langes Leben und Frieden wird not dir just bringen. Living long, nicht nur lange leben, peace. Sondern auch mit Frieden. Et avoir le Christ en toi, ça va augmenter, ça va prolonger ta vie et tu auras la paix éternelle. Are you getting it? Some live long in the natural world, as the not as the world we see it as living long, but their peace. Weil viele leben zwar lange, aber ihr Frieden ist nirgendwo zu finden. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre longtemps, mais ils n'ont pas de paix. Verse 3 says, let not mercy and truth forsake thee. Mercy, God kind of mercy, God kind of truth. Gottes Gnade und Gottes Wahrheit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Donc la bonté de l'Éternel. It's not talking about the mercy, what this world called mercy, what this world called truth. Es geht nicht um das, was diese Welt Gnade nennt oder was diese Welt Wahrheit nennt. Il ne s'agit pas de ce que ce monde appelle la bonté ou bien la vérité. It says, bind them about your neck, write them upon the table of your heart. Praise the Lord. All this, they are all talking about Christ Jesus. Like Christus Jesus. Ihn sollst du nicht verlassen. Ihn sollst du an dein Hals binden und an die Tafeln deines Herzens schreiben. Amen. Lis-les à ton cou, écris-les sur ta table de ton cœur. Et ici, il parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ doit vraiment être lié à ton cou et tu dois écrire Jésus-Christ dans ton cœur. Verse 4 says, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. You see there, it's not by pleasing man, by believing Christ. Indem wir Menschen gefallen, ne, sondern indem wir Christus glauben. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc tu vas pas, c'est pas quand tu n'as pas la grâce de Dieu quand tu essaies de plaire à l'être humain. C'est quand tu plais à l'Éternel. It's not by being there for man, but by being there for Christ. Nicht indem du Menschen jeden Wunsch abschlägst, jeden Wunsch erfüllst oder alles für sie tust, auf Biegen und Brechen, sondern indem du an Christus glaubst. Et tu ne plais pas à l'Éternel quand tu es là pour les gens, tu t'en fais aider des pauvres, tu fais ceci, cela. Non, c'est quand tu crois en Jésus-Christ. Verse 5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Praise the Lord. Hallelujah. The way that seemeth right unto a man, the end therefore is death. Ja, denn der Weg, der für den Menschen richtig erscheint, das Ende davon ist der Tod. Confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse parce que ta sagesse peut te tromper. À travers ta sagesse, tu as de la mort, mais c'est pour cela que tu dois te confier à l'Éternel. Verse 6, in all your ways, acknowledge him and he shall direct your paths. Amen. You see that? The Lord is speaking to you. Der Herr spricht hier zu dir. Ici, c'est l'Éternel qui te parle. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, c'est Jésus-Christ que tu dois reconnaître dans toutes tes décisions. If you refuse to allow Christ to direct your path, Satan will direct your path. Wenn du nicht zulässt, dass Christus seinen Weg leitet, wird der Satan das liebend gerne übernehmen. Si tu ne laisses pas l'Éternel diriger ta vie, ou bien tes pas, c'est le diable qui va diriger tes pas. He said, in all your ways acknowledge him. Amen. And he shall direct your path. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. Verse 7. Be not wise in your own eyes. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. What the Lord called evil. What Christ called evil and what through man and religion called evil. Weiche von dem, was Christus böse nennt, nicht das, was die Welt und Religion böse nennt. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pas ce que le monde ou la religion appelle le mal, c'est que Jésus-Christ appelle le mal. Praise the Lord. Hallelujah. We know that Christ wants us to be there for one another. Wir wissen, dass Christus möchte, dass wir füreinander da sind. Et on sait que Jésus-Christ veut qu'on puisse être là l'un pour l'autre. Amen. Everything must be based on him. Aber alles muss auf ihm basieren. Mais tout doit être basé sur lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to Matthew 11, Jesus did not visit somebody in the prison. In Matthäus 11 lesen wir, dass Jesus eine bestimmte Person eben nicht im Gefängnis besucht hat. Was diese Menschheit Loyalität und Liebe nennen würde. On voit que la Bible, que le monde nous dit que tu es une bonne personne quand tu vas partir visiter les autres, quelqu'un est mort, tu pars dans les matangas, dans les fêtes, des histoires comme ça. Mais Jean-Baptiste, il était par exemple à la prison, on le voit dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas parti le visiter. Il était un des derniers apôtres, les derniers comment on appelle, prophètes ici sur terre. Il avait vraiment de la valeur, comme Jésus-Christ le valorisait, mais malgré tout il n'est pas parti là-bas, il n'est pas parti le rendre visite, et le monde ici va dire que c'est mauvais, mais Jésus-Christ n'a pas fait ça. Religion today we call it evil. Religion heutzutage wird es bösartig. L'église va le condamner, va dire que Jésus-Christ n'a pas fait une bonne chose. Somebody that came to introduce him to the world, it's now a problem, he was not there for him. Jemand, der ihm so den Weg geebnet hat, der der Welt vorgestellt hat. Diese Person steckt jetzt ein Problem und du denkst noch nicht mal dran, ihn zu besuchen. La personne qui est venue te t'introduire introduire le monde, parce que Jean-Baptiste était venu introduire le monde à Jésus-Christ, il était la personne qui annonçait l'arrivée de Jésus-Christ. La personne qui a été là vraiment pour toi, pour qui t'a soutenu, toi tu n'es pas capable de partir le visiter dans la prison. Even today, Saint John the Baptist was suffering in prison. I even sent his disciple to him. Upon all, he did not listen. Did you only refer John to the Bible, to the scripture? What is that? Ah, is that not evil? Und dass Johannes sogar seine Jünger zu Jesus geschickt hat. Ne? Und auch da ist es mir noch nicht mal eingefallen zu sagen, okay, ich komme mit und werde meinem Freund einen Besuch abstatten, meinen Cousin, ne? Sogar einen Besuch abstatten. Okay. Nein, da hat er ihn sogar auch nur mit Worten sozusagen abserviert und ihn einfach nur Worte mitgegeben. Was ist das für einer? Jean-Baptiste avait même envoyé ses propres disciples pour dire à Jésus-Christ, ben, viens me voir, on doit parler, c'est comment maintenant ici. Mais Jésus-Christ n'est pas parti, c'était son propre cousin aussi, hein, mais il n'est pas parti. Il n'a pas dit, ben oui, il a besoin de moi, il a même envoyé les gens pour me prendre, je veux partir seulement. Jésus ne l'a pas fait. Verset 7, be not wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil, what Christ called evil. And not what religion called evil. Das, was Christus böse nennt, nicht was Religion böse. Donc, on répète verset 7, ce que la religion appelle, ce que Jésus-Christ appelle mal, pas ce que la religion appelle mauvaise chose. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verset 16, it shall be head to your navel, and marrow to your bones. Honor the Lord with your substance. And with the first fruit of all your increase. Praise the Lord. Hallelujah. Honor the Lord with your substance and with the first fruit of all your increase. Do you see that? Did not say dodge it. No, ehre den Herrn mit dem Besitz, mit Erstling all deines Einkommens. Es steht nicht, dass du dem ausweichen sollst, sondern du sollst es tun. Ce sera la bonté pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Donc, tu vois, c'est écrit ici. Ils n'ont pas dit d'éviter l'Éternel ou bien oui. And he said that is how you are going to have it, plenty. Und so wirst du Überfluss haben. Et c'est comme ça que tu auras encore beaucoup. Is somebody getting something? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Is somebody getting something here? Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes premiers de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et de courves rigoureuses de mou. Praise the Lord. Hallelujah. This verse 9 and verse 10, it says, you honor the Lord with the first fruit of your increase, of your fruit. Honor the Lord always. And it says, so shall your barn, not another person's barn, your barn. Mm-hmm. So your barns be filled with plenty. how to have overflow. Also, wie wir Überfluss haben, ne? Praise the Lord. Dass sich deine Scheunen füllen und nicht die Scheunen eines anderen, weil du dich dafür entschieden hast. It's not the barn of the ministry. Your barn. Und nicht die Scheunen. Oh, if you are blessing the ministry. Are you getting it? He says you. Yeah, he's talking about you and me. Und nicht die Scheunen der, not Christ, but you. Der Gemeinde, ne? Nicht Christus an sich, sondern du persönlich. Donc ça, et puis il est en train de dire que alors tes greniers seront remplis d'abondance, pas les greniers de quelqu'un d'autre ou bien de l'église, les propres, les tiennes. C'est quand toi tu poses cet acte que tu lui mets en avance et que tu fais ce qu'il dit ici, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes premiers, les prémices de tout ton revenu. C'est comme ça que c'est tes propres greniers qui seront remplis. Praise the Lord. You know, Philippians 4 said the same thing. Philippiens 4 dit la même chose. Praise the Lord. You know that. Praise the Lord. If you read from verse 10. We have 10 lesen. Philippiens 4, 10. Paul is the one speaking here. Paulus spricht hier. He said, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. You have been looking for me to bless, to be there for me, but there was no opportunity. Mm-hmm. But now is there's opportunity. Wegen gesucht zu segnen. Aber es gab leider keinen. Aber jetzt habt ihr eine Möglichkeit, mich zu segnen. Jetzt tut ihr das auch. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien l'occasion que vous manquez. Donc il dit que il sait vraiment qu'il y a les gens qui ont essayé de bénir la maison de l'Éternel à travers Paul, mais maintenant ils ont l'opportunité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's like the ministry saying, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. Wherein you were also careful, but you lack opportunity. Is that the ministry saying it also? So Christ, the ministry is Christ. Christ is Christus und Christus Gemeinde. Christ is the one saying this. Und Christus derjenige, das hier sagt. C'est comme aussi quand l'Église le dit, parce que le ministère, c'est Jésus-Christ. Et si le Christ le dit, il le dit aussi à notre cas. Verset 11. He said, not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Praise the Lord. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13. Merci. I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. Verse 14. Notwithstanding, ye have well done that you did communicate with my affliction. Verse 15. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Praise the Lord. Alleluia. I just thank the Lord for this Macedonians. Thank him for the Macedonia. Je remercie l'Éternel pour ces gens de la Macédonie. They were always there for Paul. Ils étaient là pour Paul. Ils ont toujours été là pour Paul. Always there for Christ Jesus. Ils étaient là pour Christ. Ils ont toujours été là. When others were not there, they were always there. Wenn andere nicht da waren, waren sie immer da. Quand les autres n'étaient pas là, mais eux, ils étaient toujours là pour eux. Amen. The second Corinthians is also there. Amen. This Macedonians. He said the grace that they have. die Gnade, die sie hatten, bete für diese Gnade auch zu haben. Et il nous dit aussi que donc la Macédonie, ces gens-là étaient toujours là pour Paul et la grâce qu'ils avaient d'être là pour l'Éternel, on doit aussi prier que cette grâce aussi nous soit aussi donnée, qu'on puisse la voir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 16. Verset 16. For even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. It's all about you. Es geht um euch. Donc il s'agit de vous. Praise the Lord. Donc, you can see that Proverbs 3 and here and this very place, they are the same. He says it's all about you. Ihr seht Sprüche 3 und hier ist es, ne, es geht da um euch, ne, steht auch eure Rechnung, ne, damit weil es halt um euch geht, weil es ja eure Entscheidung ist. Okay, il dit que verset 17, il dit ici que ce n'est pas que je cherche des dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc, quand tu donnes, c'est un fruit qui abonde pour votre compte. C'est pas seulement que tu donnes à Paul ou bien ça reste à lui. C'est pour toi. Tu le fais, en fait, tu donnes pour toi-même, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. But I have all and abound. I am full. Having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, were pleasing to God. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. And my God shall supply all your need according to his riches in glory. By Christ Jesus. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Who was he praying for? Für wen hat er gebetet? Zu den Mazedoniern. Pour qui il a prié ici? Il a prié pour les gens de la Macédoine. Praise the Lord. Für, habe ich zugesagt. Amen. Für. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So this message is give all to Christ. In der heutigen Botschaft geht es weiter um das Thema, was wir nicht für Christus alles zurücklassen können. Und jetzt gib alles Christus. On va continuer avec notre message. On va continuer avec ce message qui n'est, il s'agissait de qu'est-ce que tu n'es pas capable de donner pour Jésus-Christ. Et maintenant, c'est donne tout à l'Éternel, le Christ. Until you give all to him, you cannot have his own. Erst wenn wir ihm alles geben, erst dann können wir sein eigenes haben. Tu peux pas avoir le sien si tu n'as pas encore tout donné de toi. Praise the Lord. Amen. Until you give all, you cannot have his. Wenn erst wenn du alles gibst, hast du die Hände frei für sein Besitz. C'est quand tu donnes tout ce que tu as, c'est comme ça que tu as des mains vides pour recevoir ce qu'il a pour toi. Praise the Lord. Alléluia. How to have his own things is by giving him what we have. Ja, wir bekommen seinen Besitz, wir bekommen das, was er hat, wenn wir das, was wir haben, abgeben. Tu vas obtenir ce qu'il a pour toi quand tu donnes tout ce que tu as. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever we have profited nothing. Denn was immer wir haben, they are given to Christ. Nützt uns nichts, erst wenn wir es Christus abgeben. Ce que tu as, ça ne te sert à rien jusqu'à ce que tu donnes tout à Jésus-Christ. Do you understand? Mm. Whatever we have is going to profit us nothing until they are surrendered to Christ. Was immer wir haben, given to Christ. Wird uns nichts nützen, wenn wir es nicht Christus übergeben, überlassen. Tout ce que tu as, ça te sert à rien jusqu'à ce que tu donnes ça à Jésus-Christ. Tu le... Oui. Amen. Mm. In John 6:63, it says, whatever we have is dead until it is given to Christ. John 6:63. Johannes 6:63 steht, dass was immer wir haben, ist tot. Erst wenn wir es an Christus weitergeben, dann ist es wieder lebendig. Et Jean 6:36 nous dit que tout ce que on a, ça doit, wenn wir es Christus abgeben, wird es lebendig. Also okay. Tout ce que on a, c'est mort. On doit d'abord tout donner à Jésus-Christ pour que ça puisse commencer à vivre maintenant. That very place said the flesh profited nothing. Mm. Denn da steht, dass das Fleisch nichts nützt. Parce que ce truc, ce verset nous dit que la chair te sert à rien. Whatever you have is flesh until you give it to Christ. Was immer wir haben ist Fleisch, erst wenn wir es Christus abgeben, wird es lebendig. Tout ce que tu as, c'est charnel, jusqu'à ce que tu donnes ça au Christ, et c'est à partir de là que ça devient, ça commence à vivre. Amen. Das ist nicht mehr totes Fleisch, sondern es ist lebendig. Praise the Lord. Hallelujah. Example, Moses' rod. Ein Beispiel, der Stab von Mose. Par exemple, le bâton de Moïse. You know, Moses' rod, before Christ, you know, without Christ, Moses' rod is nothing. It's useless before Pharaoh. Ohne Christus war der Stab von Mose nutzlos, kraftlos, leer, ohne Christus. Et le bâton de Moïse, sans Jésus-Christ, sans l'Éternel, devant le pharaon, c'était ça sert à rien parce que c'était juste un bâton, ça ne faisait pas, ça n'avait pas de puissance, c'était vraiment un bâton ordinaire. Please let Christ be number one in everything. Laisse tout, dass Christus die Nummer 1 ist. Tu dois permettre à l'Éternel Jésus-Christ d'être le numéro 1 en tout. Any money you receive, once you receive it, take that of Christ away. Jegliches Geld, was du empfängst. That's how you to surrender the rest money unto him. Lass so, dass das erste auf Geld, was du davon empfängst, es zu Christus geht. Egal, ob es von wo es kommt. N'importe quel argent que tu as, tu dois vraiment permettre, déjà mettre directement à côté l'argent de l'Éternel. C'est comme ça que tu sais que tu vas maintenant recevoir ce qui est le sien. Make him the head. Lass so, dass der Kopf ist. Fais de lui la tête. Amen. First of all, God that take his own. Then the remaining one, he is now in charge. Mm. Take his own and take it to where he wants you to take it to his house. Then the remaining ones and see. Nimm das davon. Don't allow that his own to be the last. Nimm das von ihm weg zuerst und lass nicht zu, dass es als letztes weggenommen wird. Faut jamais permettre que l'argent que tu as pour l'Éternel puisse être la dernière chose que tu dois faire. Tu dois d'abord mettre le sien à côté. C'est comme ça que tu vas, toi-même, tu vas réaliser que tu es en train de le prioriser. The Lord wants everything. All he has for us to work for us. That's why he's teaching us. Was für uns hat, auch funktioniert. Et l'Éternel veut que deswegen lehrt uns. Et l'Éternel veut que tout ce qu'il a pour nous, que ça puisse aussi fonctionner. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il est en train de nous enseigner. Mm. The Moses rod without Christ before Pharaoh, it is useless. Nochmal, der Stab von Mose ist vor dem Pharao nutzlos ohne Christus Jesus. Encore une fois, le bâton de Moïse sans Jésus-Christ devant le Pharaon, c'est inutile. Until the natural becomes supernatural, it is useless. Erst wenn das Natürliche übernatürliche wird, wenn, wird es nutzvoll, sonst ist es nutzlos. Un bâton est inutile, c'est seulement quand il devient surnaturel, quand il est naturel, c'est inutile. Mais quand ça devient la chose devient surnaturelle, c'est comme ça que ça te sert à quelque chose. Sinon, ça te sert à rien. Wenn dein Geld natürlich ist, wirst du auch von Gehalt zu Gehalt leben. Si ton argent est naturel, tu vas commencer à vivre de, oui, de facture à facture. Amen. Amen. Submit it to the Lord and let it now become supernatural. Übergebe es dem Herrn und lass zu, dass es übernatürlich wird. Denn dann ist es Leben. Tu dois le soumettre d'abord à l'Éternel et c'est comme ça que ça va commencer à être vivant, ça va commencer à vivre. And how to submit your money to the Lord? If you go there, take that of the Lord. Once the money is coming, take that of the Lord. Let it be. You know, so many times that of our house rent is more important. Just go there. Let be conscious of Christ Jesus. Let it be. It must be. That is why the money is even there. So I go there and do it. Let it be. That is how all that storm becomes supernatural. Ja, lasst zu, dass wenn dieses Geld kommt, dieses Gehalt kommt, dass ihr an allererster Stelle das Geld für die Gemeinde, für das Haus Gottes wegnimmt. Ne? Weil so macht ihr wirklich klar, dass das auch der Grund ist, weshalb ihr arbeitet, nämlich für Christus. Ne? Weshalb dieses Geld überhaupt kommt und nicht, dass halt erst alles andere abgehoben wird, bezahlt wird und dann ganz am Schluss wird das Letzte zusammengekratzt für das Haus Gottes. Et tu dois, c'est pour ça, tu dois vraiment d'abord mettre à part celui de l'Éternel avant de d'abord que tu puisses payer tes factures ou bien ton loyer, tes histoires comme ça. Non, c'est comme ça. Comment tu crois que l'Éternel est avant tout, c'est quand tu fais... tu lui priorises d'abord. Tu fais d'abord celui de l'Éternel, tu donnes d'abord l'Éternel. Et c'est comme ça que tu permets même que ton argent puisse être surnaturel. C'est comme ça que ça se multiplie même. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice when the month is ending because we are going to be there for Christ again. Freut euch, weil wenn der Monat endet, weil ihr wieder in der Lage seid. Amen. And not be sad because Gottes zu geben. Und nicht genervt oder traurig sein, amen, weil es wieder so weit ist. Rejouis-toi quand c'est la fin du mois et que tu as maintenant le privilège de donner à la maison de l'Éternel. Au lieu de dire que bon, la fin du mois, je dois encore donner comme ça, je dois maintenant donner à l'église. Rejouis-toi, parce que c'est comme ça que tu fais voir à l'Éternel que tu es en train de lui mettre avant toute chose. Love to be there for Christ Jesus. Liebe ist für Christus Jesus da zu sein. Tu dois vraiment adorer, l'adorer ou bien aimer à être là pour l'Éternel. He loved you to come here to save you. Denn er hat es geliebt, hier hinzukommen und dich zu retten. God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Parce que lui aussi, il a vraiment, la Bible nous dit, il a tellement aimé le monde qu'il a même aimé d'être là pour toi, de venir se sacrifier pour toi. Again, until the natural becomes supernatural, it is useless. Remember the two fish and five loaves. Mm-hmm. Erst wenn das natürlich übernatürlich wird, wenn das natürliche mm-hmm. nicht übernatürlich wird, ist es nutzlos. C'est dès que le naturel devient surnaturel, c'est là que ça te sert à quelque chose, c'est là que ça devient utile. Et rappelle-toi de 5 pains et des 5 poissons et les 3 pains. Remember the 2 fish and 5 loaves. Erinnert euch an die 2 Fische. That was given to Christ. Was given to Jesus. Genau, 5 Brote und 2 Fische, die Jesus übergeben worden sind. Rappelle-toi aux deux poissons et les 5 pains qui ont été donnés à Dieu et Dieu a fait de ces choses-là quelque chose de surnaturel. Before Christ, that without Christ, that 2 fish and 5 loaves can only feed a little boy. Mm. Ohne Christus hätte diese Mahlzeit nur einen kleinen Jungen satt machen können. Les deux poissons là et ces 5 pains, sans Jésus-Christ, c'était seulement capable à faire rassasier seulement le petit garçon là. Amen. Parce que ça appartenait à ce petit garçon. Praise the Lord. Hallelujah. Before Christ, it was nothing. These 2 fish and 5 loaves was nothing. Vor Christus waren diese 2 Fische und 5 Brotlaibe nichts. Devant le Christ, ces 2 pains et ces 5 ces 2 poissons, ces 5 pains, c'était rien devant l'Éternel. And when it was not given to Christ. Aber als dann Christus übergeben wurde. Mais quand ça a été donné au Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We know he fed thousands. Konnte es Tausende satt machen. Et on sait que ça a fait rassasier 10 000 personnes. Amen. Ça a rassasié 10 000 personnes. Let us believe even more than the old. Lass uns glauben sogar mehr als die Leute, die im alten Bündnis waren. On doit apprendre à croire plus que les gens qui étaient dans l'ancien alliance. Let us believe more than them. Lass uns mehr glauben als sie. And not less. Und nicht weniger. On doit vraiment apprendre à croire plus que eux et pas moins que eux. Praise the Lord. First Kings 7. We want to go there. God wants to teach us things there. Amen. First Kings 17. Erste Könige 17. 1 Roi 17. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. De verset 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Egypt, said unto Ahab, as the Lord God is relieved, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, God did, praise the Lord. The Lord sent Elijah to this king. Der Herr hat Elijah zu dem König geschickt. Verset 1 à 3, on voit ici que le roi, l'Éternel a envoyé Élie vers ce roi ici, Ahab. And Elijah went there and delivered the message. Und Elijah ist dahin gegangen und hat die Botschaft verkündet, weitergegeben. Élie est parti, il a donné le message que l'Éternel avait. Then the Lord now came again and said, now go to Brook Sharon. Und dann ist der Herr nochmal gekommen und gesagt, okay, jetzt kannst du to obey the first before the second. Weitergehen. Jetzt geh bitte zu Bach Kriet, denn er musste erstmal den ersten Step erfüllen, bevor er den zweiten Step offenbart bekommt. Et tu vois ici que après d'avoir fait le premier travail, c'est là que l'Éternel a donné le deuxième. Donc un après l'autre, et lui a envoyé, après de donner le message, il a envoyé de... il est parti de lui envoyer de partir au il est caché pardon toi dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, donc le torrent de Kérit. Without the first, there is no second. Ohne das erste gibt es keinen, ohne den ersten Step gibt es keinen zweiten Step. Avant le premier step, il n'y a pas le deuxième step. Amen. We have not done one. We are looking for the fifth. Wir haben den ersten Schritt noch nicht getan und suchen nach dem fünften Schritt. Mais nous, on n'a même pas fait le premier pas, mais on veut être en train de chercher le cinquième pas. Verse 3, please. Verset 3. He said, "Guard thee hence and turn thee east-west and hide yourself by the brook Cherry, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook." And I have commanded the ravens to feed thee there. I have, and not I'm going to. Ich habe the kingdom of heaven is never I'm going to. It's already. So, er hat es schon getan. Er hat die Raben schon dafür geschickt. Und nicht eine Sache, die noch passieren wird. Il a dit que tu boiras, au verset 4, il nous dit que tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il a dit qu'il a déjà ordonné les corbeaux. Il n'a pas dit que je vais ordonner les corbeaux. Il a déjà. Donc, dans le royaume des cieux, ce n'est pas qu'il va déjà faire. Il a tout déjà accompli. Denn im Königreich von Christus Jesus geht es immer um das, was schon getan wurde. Parce que dans son royaume, il s'agit toujours de ce qu'il a déjà fait. Et pas ce qu'il va faire. Live by faith and not by hope. Lebe durch Glauben, nicht durch Hoffnung. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à vivre à travers la foi et pas à travers... les espoirs, voilà. I am going to, it's hope. Dass ich irgendwo hingehen werde, bedeutet hoffen. Quand tu te dis je vais partir là-bas, j'aurai quelque chose au futur, c'est l'espoir. Praise the Lord. Hallelujah. And I have commanded the ravens to feed thee there. And that there's a place called there for you. There. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Das heißt, es gibt einen Ort, wo du diesen Pass sozusagen annehmen musst, diesen Punkt, wo dieser Versorgung It's not any other place, job, but there. Angenommen werden muss von dir. Und dort musst du sein, zur rechten Zeit. Et puis il dit que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc il y a toujours une place où il s'appelle là, où l'Éternel veut que tu puisses être. Donc là-bas, c'est là qu'il a déjà pourvu pour toi. Praise the Lord. Yeah. And our prayer also should be, Lord, help us to be where you want us to be. That place that is called there for you. Herr, hilf uns dort zu sein, an diesem Ort, wo du uns haben willst, für deinen Willen. Et c'est pour cela qu'on doit aussi prier, c'est aussi une de notre prière doit être que aide-nous à être là où tu veux qu'on puisse être, là où tu as déjà pourvu pour nous, cette place-là. Praise the Lord. In verse 5, it says, so he went and did according to the word of the Lord. And he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the raven brought him bread and fish, and in the morning, and bread and fish in the evening. And he drank of the brook. And it came to pass, after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord knows how to take care of his soul. Der Herr weiß, wie auf sein Volk Acht zu geben hat. Et ici, on voit vraiment que il dit que l'Éternel nous fait voir ici qu'il sait comment prendre soin de ses propres. You can see that the Lord, you know, Elijah does not need to beg the Lord to come. Come and tell me the next thing. If the brook is almost dried up, he knows more everything more than you. Yeah. Elijah musste nicht sich immer wieder bei Gott melden, um ihm zu sagen, was er braucht oder wie der nächste Schritt auszusehen hat, sondern der Herr hat einfach funktioniert, einfach mit ihm gesprochen nach seiner Zeit. Et on voit ici que c'est pas Élie qui demanda à l'Éternel, ben maintenant je dis qu'est-ce qui est le prochain? C'est pas lui qui demandait, c'est l'Éternel qui déjà il prenait soin de lui. C'est l'Éternel qui lui commandait, qui lui disait déjà que c'est déjà fait, j'ai déjà préparé ceci, cela pour toi. C'est pas lui qui était là en train de mendier à l'Éternel. Et c'est pour cela nous on doit aussi apprendre à se reposer, à faire confiance à l'Éternel, parce que lui il prend déjà pour le lendemain, il a déjà le plan pour demain. C'est pas à toi de demander comment ça sera ma vie demain. Let us learn to rest. Lass uns lernen, uns auszuruhen auf Christus. Et on doit vraiment, c'est pour cela on doit vraiment apprendre à se reposer en Christ. If you trust him, you will rest. Et wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du ihm vertraust, wirst du dich ausruhen müssen. Du wirst Ruhe haben. Parce que si tu lui fais vraiment confiance, tu vas vraiment te reposer en lui. If you believe, you will trust. If you trust, you will rest. Wenn du ihm glaubst, wirst du ihm vertrauen. Wenn du dich ihm vertraust, wirst du dich ausruhen können auf ihn. Si tu crois au Christ, tu vas lui faire confiance. Et si tu lui fais confiance, tu vas te reposer en lui. The future will not be an issue for you. Die Zukunft wird kein Thema sein für dich. More than Elijah here. You see it here. He was always telling Elijah the future. Elijah did not know anything. Go there. I have done the future for you. Here's the doer, please. Genau, und die Zukunft wird keine Bedrohung für dich sein, weil der Herr schon in der Zukunft ist, er kennt die Zukunft. Genauso wie er es auch hier bei Elijah war, dass er sich, Elijah musste sich keine Sorgen um die Zukunft machen, weil das war die Aufgabe des Herrn. Donc, tout comme il a fait ici avec Elie, Elie n'avait pas peur du lendemain ou bien du futur, parce que l'Éternel, c'est lui, l'Éternel qui connaissait le futur de Elie, et lui, Élie ne savait pas qu'est-ce qui va s'arriver, mais l'Éternel lui disait que le demain, je te donne. Donc, peu à peu, un pas après l'autre, il lui recommandait, lui disait que c'est que j'ai préparé pour toi. Et c'est comme ça que tu dois aussi faire confiance à l'Éternel. Even the old here, the Lord is the future. Selbst im alten Bündnis, selbst hier ist der Herr ihre Zukunft. Et on voit ça, on parle de l'ancienne alliance. Même dans l'ancienne alliance, l'Éternel était leur futur. Now that's why the Bible said Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. The new Matthew 18. He said that is no wonder. He said until you are like this little child. You know, little children never know anything future. Und it's deswegen, their parents are no future. Sagt auch die Bibel, dass Jesus Christus der gleiche gestern, heute und für immer ist. Und deswegen sollen wir auch wie dieses kleine Kind sein, weil Kinder machen sich keine Gedanken über die Zukunft. Et c'est pour cela la Bible nous dit aussi que l'Éternel, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Et c'est comme ça aussi qu'on voit que même dans l'ancien, il était leur futur. Et c'est comme ça qu'il est aussi pour nous. Et c'est pour cela aussi qu'il nous dit aussi à Matthieu qu'on doit être comme ses petits-enfants. Parce qu'un petit enfant, il ne connaît pas le futur. Il ne sait pas qu'est-ce qui signifie okay, le futur l'année prochaine. Il ne sait pas, mais ce sont les parents qui le savent. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the world today, they always prepare for the future. Die Welt aber, sie bereitet sich immer auf die Zukunft vor. Mais le monde, aujourd'hui, est en train toujours de se préparer pour le futur. Christ is our future. Aber Christ ist unsere Zukunft. Mais c'est le Christ Amen. Qui est notre futur. You can see how he was the future for Elijah here. Ihr könnt hier sehen, wie er Elijahs Zukunft war. Et ici, on peut voir comment il était le futur de Elie. Taking care of him. Auf ihn acht gegeben hat. Il prenait soin de lui. Praise the Lord. Hallelujah. And the word of the Lord came unto him, saying, verse 8. Arise, get thee to Zarephath, which belong to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded thee a widow woman there to sustain thee. I love this word. Denn er hat schon versorgt. Mm. Et puis il dit ici encore une fois, il dit que va chez la femme veuve parce que je l'ai déjà commandé de te d'être là pour toi. Donc il a dit que j'ai déjà. Il ne dit jamais je vais, mais il dit toujours que j'ai déjà. You know, here means freedom. Das bedeutet Freiheit. It means freedom. It will not wrap you. You no longer see what you do. Mm. Because, you know, if you say, I am going to, you don't know if you will go or not. Mm. Yeah, are you getting it? I am going to command the widow woman. Okay, let me behave well. Let me do this well. It's all about you. Yeah. But now, he said, just rest. Yeah. I have done it. Then rest. ich habe es so wichtig, weil es uns immer noch wieder verdeutlicht, dass es nicht mehr um uns ging, das geht, dass wir nicht etwas tun müssen, damit er es tut, sondern er hat es schon getan, deswegen können wir uns darauf ausruhen. Auf der anderen Seite musst du immer wiederum bangen, dass du dich vernünftig verhältst, dass du die richtigen Sachen sagst und tust, damit er es tut. Aber hier können wir uns darauf vertrauen und in Frieden sein, weil er es schon getan hat. Ici, on voit vraiment que il a dit que Jésus, l'Éternel a dit à Élie, j'ai déjà commandé, j'ai déjà ordonné à la dame de te nourrir. Et ça signifie que c'est, il a déjà fait. Et quand tu penses que Dieu dit, si Dieu disait que oui, je vais le faire, là tu as peur que peut-être il va oublier, ou bien il va le faire, ou bien il va changer son opinion, ou il ne va plus le faire. Mais lui, il te dit toujours qu'il a déjà fait. Et quand l'Éternel te dit qu'il a déjà fait quelque chose, toi, ton travail, c'est quoi? De te reposer parce que tu veux faire quoi? Tu veux faire maintenant la chose qu'il a déjà fait? C'est pas possible. Donc, c'est pour cela que tu dois te reposer et lui faire confiance. Whatever it is. Amen. Was immer es auch ist, er hat es schon getan. Ich muss es mir nicht mehr verdienen. N'importe qu'est-ce que c'est, l'Éternel, il a déjà accompli, il a déjà fait ça. Et toi, tu ne dois pas, maintenant, tu ne dois pas essayer de, oui, de l'avoir. Is it the ministry house in Lagos? He has done it. Amen. That's the same thing. Gemeindehaus in Lagos. Er hat es schon getan. You can see. Es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Ich habe von der gleichen Person. Amen. Tout comme notre l'église, la maison, notre maison en Nigeria, par exemple, il a déjà accompli. Et donc, on ne doit pas se soucier. Il l'a déjà fait. C'est le même « j'ai déjà » qu'il a écrit ici, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. He said that will be his television house. Er hat auch gesagt, in diesem Gemeindehaus wird auch dieses diese Fernsehstation sein. Il nous a dit que dans cette église à Nigeria, cette maison qu'on aura à Nigeria, ça sera aussi la station de télévision qu'on aura. Yes, we know all this message. We'll be spread. Wo all seine Botschaften verkündet werden von dort aus. Où tous les messages seront donnés de là, du Nigeria. I will talk about that very Nigeria transmis à tout le monde. Let me just say Lagos later. Amen. Ich werde später über Lagos zu sprechen. Et je veux, c'est après que je veux parler de Lagos. Verse 10, so he arose and went to Zarephath. And when he came to the gates of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as he was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Verse 12. And she said, as the Lord my your God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel. And a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Because that was the last food. Das war ihr letztes Essen. Et ça, c'était leur dernier repas. Elle voulait manger ça avec son fils et enfin, et puis mourir. Praise the Lord. Hallelujah. It was the last food. Es war das letzte Essen. C'était leur dernier repas. Because this woman obeyed the voice of the Lord. Weil diese Frau. It was the beginning of another food. Weil diese Frau der Stimme des Herrn gehorcht hat. Nach dem Gehorsam hat sie Versorgung bekommen mit einer wurde sie versorgt mit einem himmlischen mit einer himmlischen Speise. Mais parce que cette dame là a cru à l'Éternel et il a soumis son dernier repas au prophète, c'est comme ça que ce dernier repas qu'il a soumis à l'Éternel est devenu un repas éternel. C'est transformé en un repas surnaturel. Maintenant que c'est plus le dernier, c'est maintenant le commencement d'un nouveau repas. You never give éternel. Christ TV. Amen. Wir geben Christus nichts vergeblich. Never. On ne donne rien au Christ en vain. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some of us we even believe our places of job today, our share that paid us every month more than we believe Christ. Einige von uns verlassen uns sogar mehr auf das Wort unseres Vorgesetzten auf der Arbeit als auf das Wort von Christus. Il y a quelques d'entre nous qui vont même croire que leur chef au travail va leur donner de l'argent plus que l'Éternel. Donc la parole de ton chef, tu vas le valoriser même plus que la parole du Christ. You know, you have been there for years and they have always paid you. Du bist jahrelang im Unternehmen und man hat dir das Gehalt immer rechtzeitig gegeben. Tu as toujours été là pour eux ou bien tu as toujours travaillé et c'est pour cela et ils t'ont toujours donné de l'argent, ça c'était ta garantie en fait. Und das ist deine Garantie. Amen. You have never failed. Sie haben niemals einen Monat vergessen. Your guarantee. Sie haben niemals guarantee for you. Versagt sozusagen. Amen. Deine Sicherheit für sie. Et ta garantie est le fait que tu as toujours travaillé et ils t'ont toujours payé. Tu travailles à la porte depuis 5 ans, ils n'ont jamais oublié un mois de te payer. Ça, c'est ta garantie. C'est pour cela que tu crois à ton chef, puisque l'Éternel. But they did not die for you. Mais ils ne sont pas morts pour toi. Mais ils ne sont pas morts pour toi. Ils sont jamais. Praise ils sont pas morts pour toi. Alléluia. They did not give you life. Sie haben kein Leben geschenkt. Ils ne t'ont pas donné la vie. Amen. Verse 13. Là, c'est 30. And Elijah said unto her, fear not. Go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for your son. He just said to them, to this woman just said to him, that this is the last food. And he said, can you see something here? I don't know if you are getting something here. Hier in Vers 13, it's very important. Look at it. Diese Frau hat zu ihm gerade eben gesagt, er hat gesagt, gib mir was zu essen, obwohl diese Frau eben vorher noch gesagt hat, ey, ich habe nichts mehr zu essen. Das Einzige, was wir noch haben, ist, was wir essen und danach verabschieden wir uns von dieser Welt. Donc ici, on voit que cette femme-là a dit même au prophète, ben, tu veux notre nourriture, mais c'est notre dernière nourriture. Si je te le donne, on va mourir directement. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 13, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me. Let Christ be first. Lass du, dass Christus dann erst, amen. Halt zuerst kommt. Et c'est pour cela, mais Elie, malgré la dame a dit ça, la veuve a dit ça, il a continué à dire, mais bon, fais-moi d'abord à manger. And after, make for thee and your son. Because I know that cake will never end. Amen. There's no end to it. Und ich weiß, dass dieses Brot nicht zu Ende gehen wird. Elie dit ici, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me rapportes d'abord. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils à nouveau. Donc, malgré la dame disait que ça c'est le dernier repas, je ne peux pas faire de plus. Il a dit, ben oui, fais ça. Et puis, tu vas faire pour ton fils. Mais donc, ça, tu vois que lui, Elie, il n'a pas cru que c'est le dernier. Parce qu'il savait que son Dieu est fidèle. Il savait que son Dieu va encore pourvoir de plus pour la dame. Notice what this woman said to Elijah in verse 12. He said, I am gathered two sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Are you getting it? Auf das, was that is before remaining that steht. We have. Amen. Amen. At least Elijah can eat more than both of them. I believe that because he's a man. Amen. Schaut euch hier an, was hier steht, nochmal in Vers 12. Ne? Das, wie, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Ne? Und diese Portion ist wahrscheinlich so klein, dass es wahrscheinlich schon nicht mal für Lia alleine reicht, ne? Weil er wahrscheinlich mehr ist als eine Frau, eventuell, ne? Wenn er halt... Donc, la dame ici, elle est en train de... Elle a commencé à expliquer qu'elle avait que deux morceaux de bois et c'était pas vraiment beaucoup la nourriture, donc c'était pour elle et son fils, mais c'était vraiment très peu. This verse 13 is very powerful. Do you see something there? 13, c'est amen. Verset 13 est vraiment très puissant. And Elijah said to her, fear not, don't be afraid. Hab keine Angst. That you eat it is the last food. Das ist eure go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and make an altar make for thee and your son. And your son. Mm-hmm. You know, this woman just said, the food is just for me and my son, then we die. Then Elijah said, make for me. Mm-hmm. Then make for you and your son. Mm-hmm. You can see that Elijah believed that there's no end to that food. Amen. Ne, ihr seht, dass die Frau erstmal sagt, ich habe nur noch eine Handvoll, ne, von diesem Mehl und nur ganz wenig Öl. Und das, was ich jetzt zubereite, ist für meinen Sohn und mich, damit wir danach sterben, weil es so eine wenig ist und danach nichts mehr da ist. Aber wie gesagt, habt keine Angst, ne? Bereite diese Sachen vor, aber gib mir davon zuerst und danach könnt ihr essen, weil, glaubt mir, es wird danach genug geben für euch, ne? Dass sie glauben sollen, vertrauen sollen, dass danach die Versorgung im Überfluss sein wird. Ce verset 13 est vraiment très puissant parce qu'on voit, on venait de lire à verset 12 que la dame a vraiment expliqué comment c'est peu. Elle dit que c'est une goutte de l'huile en fait. Ou bien c'est que deux morceaux, c'est du bois. Donc ça ne suffit même pas pour trois personnes. Mais Élie a insisté, il a dit que fais-moi confiance, hein, ne crains point, donne-moi d'abord. Et puis après, fais encore un autre pour toi. Genre, elle est en train de mentir, mais non. Élie, il a cru que. Élie, il a cru que l'Éternel va encore pouvoir de plus. Il n'a jamais cru que c'était le dernier repas parce qu'il savait que son Dieu est fidèle. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14, it says, for thus said the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Amen. You can see what Elijah was saying. Mm. What the woman could not see. Yeah. Und ihr seht hier in Vers 14, was Elijah gesehen hat, was diese Frau aber nicht sehen konnte. Et maintenant, on va lire la raison laquelle Élie était capable à voir ce que la dame ne voyait pas. Parce que Élie a dit que, car ainsi parle l'Éternel, la farine est, qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc c'est et ça c'est ce que Élie voyait, c'est que la dame ne savait pas en fait. Praise the Lord. In verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Give all to Christ. Gib Christus alles. Et c'est pour cela que toi aussi tu dois apprendre à donner tout pour le Christ. Amen. Amen. He wants to have the whole of you. Er will alles von dir haben. Il veut avoir tout de toi. That's what salvation is all about. Darum geht's in der Errettung. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le salut. Salvation is not just praying the prayer. Errettung ist nicht nur das Gebet beten. Le salut, c'est pas seulement de prier et de faire la prière. That's not salvation. That is not salvation. Das ist nicht Errettung. Das Gebet allein. De faire la prière, d'être né de nouveau, ça c'est pas le salut. Amen. You know, it's like you apply into a university. C'est pas seulement le salut. Es ist so, als ob du dich bei der Uni einschreibst. C'est tout comme, c'est comme si tu es en train de t'inscrire dans une université. But you must go for lectures. Aber du musst die Kurse besuchen. Mais tu dois visiter les cours. That you register to a university does not mean you are going to go there. Nur weil du eingeschrieben bist und das Ticket hast, heißt nicht, dass du die Kurse besuchen wirst. Et pas seulement parce que tu t'es inscrit, ça signifie pas que tu es un étudiant. Amen. Yeah. It's like having a visa. That you have a visa does not mean you're already in that country. Genauso wie das Visum für ein Land. Ne? Nur weil du das Visum hast, heißt es nicht, dass du in diesem Land bist oder safe sein wirst. C'est aussi tout comme avec un visa. Quand tu as un visa, ça signifie pas que tu es déjà dans le pays de la destination. Some just pray the prayer and they just believe it's finished. Einige beten das Gebet der Rettung und denken, das war's. Il y a beaucoup de gens qui prient la prière du salut et ils pensent que c'est déjà fini. There are a lot of correction on the way. Es gibt viel Belehrung auf dem Weg. Il y a vraiment beaucoup de corrections. And they are very painful. Und es ist sehr schmerzhaft für das Fleisch. Dans la route, dans ton trajet d'être un enfant de Dieu, il y a vraiment beaucoup de corrections. Et ça peut être vraiment très douloureux pour la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Those corrections, they are not to destroy you. Aber diese, they are God kind of love Amen. Towards you. Belehrung dient nicht zur Zerstörung, sondern es ist Gottes Liebesbeweis an dich. Et ces corrections là, c'est pas pour ça, c'est pas pour ta destruction, mais c'est pour que tu puisses être mieux en Christ. Amen. It is God kind of love for God's children to correct you. Es ist Gottes Liebe, die sich manifestiert, wenn sich Kinder Gottes gegenseitig belehren. Et c'est une c'est de l'amour quand les enfants de Dieu se corrigent l'un à l'autre. No matter how oft, always they correct you. Amen. Egal wie oft sie belehren dich, das ist Gottes Liebe. Peu importe comment ou bien combien de fois ils te corrigent, ça c'est l'amour de Jésus-Christ. You know, correcting people with Christ Jesus today is like going to work for people, going to for battle for them. Wenn du Kinder Gottes belehrst, ist es so, als ob du für sie in den Krieg ziehst. Quand tu corriges les enfants de Dieu, quelquefois, c'est comme si tu t'entrais de... Tu es dans une bataille pour eux. Because we know Satan, we always want to turn them, to make you know, see that these people are against you. Weil, that's what Satan wants to do. Der Satan will immer, dass du glaubst, dass diese Leute deine Feinde sind. Parce que le diable veut toujours que tu puisses croire que le diable, que ces gens-là sont tes adversaires. That you now see us as your enemies. Damit wir einander als Feinde sehen. Kinder Gottes als Feinde sehen. Et c'est pour cela que quelques personnes, dès que les enfants de Dieu commencent à leur corriger, commencent à voir les enfants de Dieu comme leurs ennemis. Their correction, no matter how it sounds, they look, is God kind of love. Ihre Belehrung, egal wie es aussieht oder wie sie sich anhört, John 8. Es ist die Liebe von Jesus Christus. Leur correction, peu importe comment ça te semble, ça c'est l'amour de Jésus-Christ. Johannes 8, Vers 40. Jean 8, verset 40. It's about now you see to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. You seek to kill me. You hate me. You are angry. You are offended. You don't like me because I always correct you. Ihr wollt mich töten. Ihr wollt mich umbringen. Ich bin euch ein Dorn im Auge, weil ich euch immer belehre. Il dit ici maintenant, vous cherchez de me faire mourir. Moi qui vous ai aidé, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là Abraham ne l'a point fait. We correct people with the truth. Wir belehren Menschen mit der Wahrheit. Die Wahrheit, die wir von Christus gehört haben. Nous on corrige les gens avec la vérité qu'on écrit, on écoute, on entend du Christ. You see here, in verse 40, it's about now you seek to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. I heard it from my father. Ich habe es von meinem Vater gehört. Cette vérité, je l'ai écoutée, entendue de mon père. And I correct you with it. Und ich belehre euch damit. Et je vous ai corrigé à travers it's cette vérité. Too much. Es ist niemals zu viel. Ce n'est jamais trop. Galates 4:16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jennifer, will help us to read verse 16. Galates 4, 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are to tell people, give people this very place. Those that are not, you know, it's like a problem for them when we are correcting them. So hat Menschen auf diese Stelle verweisen, für die es immer wieder ein Problem ist, wenn wir sie belehren. Galates 4:16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et on doit donner toujours ce passage biblique aux gens qui pensent que nous sommes contre eux quand on leur dit la vérité. If I'm asking you about your body, about things, am I now your enemy because I ask you? Wenn ich dich über dein Wohlergehen frage oder über irgendwelche Dinge frage, die dich was angehen, werde ich dann zu deinem Feind, weil ich mich für diese Dinge interessiere in deinem Leben. I'm interested in the Lord. Denn ich interessiere mich doch für Christus, weil denn du bist doch Christus, oder nicht? Quand je te demande quelque chose, je te demande oui, comment va ton corps, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Je suis devenue ton ennemi parce que je m'intéresse à toi, parce que ton corps c'est le Christ. Je m'intéresse au Christ en toi. Am I become your enemy because I'm there for you? wurde ich, bin ich jetzt zu seinem Feind geworden, weil ich I'm interested in your everything concerning you. Weil ich dich, your lifestyle, your education, your studies, everything. I'm interested. Are you getting it? Bin ich jetzt zu deinem Feind geworden, weil ich mich für dein Leben, was der Christus ist, interessiere, wegen deinem Studium, deiner Arbeit, deiner Familie oder deinem, deiner Gesundheit, weil ich mich für diese Dinge interessiere. Ne? Deswegen stoße mich nicht davon, denn damit stoßt du Christus davon. Donc moi je m'intéresse à ta vie parce que toi tu es le Christ le, à cause du Christ en toi, mais toi tu ne veux pas par exemple dire ou bien oui me révéler qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tes études, tes ton travail, ça c'est pas bien, faut pas me m'esquiver parce que quand tu t'esquives de moi, c'est comme si tu quand tu m'esquives, c'est comme si tu es en train d'esquiver l'Éternel. Will you hate me for being there for you? Wirst du mich hassen, weil ich für dich da sein? Est-ce que tu vas me détester? Weil ich für dich da bin. Est-ce que tu vas me détester parce que je suis là pour toi? You want me to ignore you? Tu veux, dass ich dich ignoriere? Tu veux que je puisse t'ignorer? Praise the Lord. Hallelujah. You should be happy that I'm there for you. Aber du sollst dich glücklich schätzen, dass ich für dich da sein möchte. Mais tu dois être heureux parce que je suis là pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Will you hate me for telling you the truth? Wirst du mich hassen, weil ich dir die Wahrheit sage? Tu vas me détester parce que je te dis la vérité? If you hate me for telling you the truth, it means you hate Christ. Wenn du mich hasst, weil ich dir die Wahrheit sage, heißt es, du Christus hast. Si tu me détestes parce que je te dis la vérité, ça signifie que tu détestes le Christ. Amen. Amen. By telling you the truth, will help you to know how much I love you. Dass ich dir die Wahrheit sage, sollte dir helfen zu erkennen, wie sehr ich dich liebe. Le fait que je te dis la vérité, ça va te aider, ça va te faire voir combien je t'aime. It will help you. It should help you to know how much I'm in the spirit. Es wird dir helfen, because I know you don't like it. Wie sehr ich im Geist bin, weil ich because I have myself to be in the spirit, so even before I even ask you. Weil ich nämlich weiß, dass dir das nicht gefällt und ich muss im Geist sein, um das dennoch durchzuziehen. Ça doit t'aider à te faire, ça doit t'aider à reconnaître que je suis dans l'esprit parce que je dois être en esprit pour te dire quelque chose que tu n'aimes pas à cause de l'amour de Dieu que j'ai envers toi. I know what will please you. What ich weiß, was dir gefallen würde, was deinem Fleisch gefallen würde. Parce que moi je sais qu'est-ce qui va te rendre heureux quand je t'ignorerai. My flesh, you won't even want me to ignore you. Ja, weil dein Fleisch, ne, und mein Fleisch wollen dich womöglich so ignorieren, damit man halt sich Kopfschmerzen und alles andere erspart. Et même ma propre chair va vouloir aussi t'ignorer, donc ne pas te corriger pour qu'on puisse avoir un bon contact, on puisse être en accord en fait. But I've learned to be in the spirit. Aber ich habe that's gelernt. That's why I ask you. Na, ich habe von Christus gelernt, im Geist zu sein. Ne? Und deswegen frage ich, deswegen interessiere ich mich und will Dinge wissen. Et c'est, mais moi, j'ai appris à être en Christ, dans l'esprit. Et c'est pour cela que je suis obligée à être là pour toi, à te demander ces questions. Praise the Lord. Bien, if I'm in the flesh, I will join you. Denn wenn ich im Fleisch wäre, correction. Würde ich dich fleißig auch unterstützen, indem ich halt keine Belehrung gebe, yeah, mich nicht dafür interessiere. Und du das Recht hast. Parce que je suis dans l'esprit, c'est pour cela que je suis obligée à être là pour toi et à te corriger. Parce que si j'étais dans la chair, je n'allais même pas vouloir te corriger parce que j'allais penser ou bien me dire que ben, chacun a le droit de partir en enfer. C'est pour cela que je ne veux pas te corriger parce que je n'ai pas envie que tu puisses penser que je suis contre toi. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes pour avec toi. C'est pour cela que ça ne m'intéresse pas. Mais ça, ce n'est pas le Christ. Vu que je suis en Christ, c'est pour cela que je suis obligée à te dire quelque chose que tu ne veux pas écouter pour, à te corriger pour ton salut. Praise the Lord. Du hast das Recht, in die Hölle zu gehen und das werde ich akzeptieren. Amen. Amen. You know, I don't know if I'm able to call it, it's a pity, that those that are in the spirit cannot shut up their mouth. Ich weiß sogar noch nicht mal, ob ich sagen soll, dass es eigentlich schade that ist, we cannot shut dass up die Leute, die im Geist mouth, sind, ihren Mund nicht halten können. Dass wenn wir im Geist sind von Christus, wir unseren Mund nicht halten, dass wir immer was zu sagen haben in Christus. Et quelquefois, je me dis que c'est un peu dommage, parce que j'ai remarqué que quand quelqu'un, un enfant de Dieu, est en esprit, La personne n'est pas capable à se taire. La personne, quand tu es en crise, tu dois toujours dire quelque chose. Tu dois, quand tu vois quelque chose qui est mauvais, tu dois toujours le dire parce que c'est le Christ en toi qui veut le dire. Quelquefois, c'est vraiment... c'est dommage parce que les gens te voient comme leur adversaire ou bien leur ennemi. We know the sound of Christ, we know the sound of Satan. Wir kennen den Klang von Satan, wir kennen den Klang von Jesus. Nous, on connaît le son de le sang de du Christ et aussi de Jésus. You know, you can see through our reaction that we are allergic to that of Satan. We are allergic to it. We cannot stand it. That's immediately. You know, we don't keep it, we don't hide it, we just I put it to you. Both left, left, right, up and down, we just put it to you. Because we cannot hide it. Und unsere Reaktion, siehst du, dass wir das nicht verbergen können, dass wir diese Allergie, die wir gegenüber den Satan haben, nicht verbergen können. Und diese Lügen, die wir immer wieder riechen und erkennen. Et c'est pour cela, tu vas même voir que chaque fois on a quelque chose à dire, à te corriger, parce que on voit cet esprit dans en toi ou bien derrière toi, et on est allergique à la voix du diable. Et c'est pour cela on veut toujours rejeter, te corriger, parce qu'on t'aime pour que tu ne puisses pas continuer à être manipulé du diable. Praise the Lord. Hallelujah. What we see, what we hear. What we hear something, we react. Wenn wir etwas hören, reagieren wir darauf. We can see the smell. Denn wir riechen es. Dès qu'on voit quelque chose, on réagit. Parce qu'on est vraiment vite à sentir cette odeur, l'odeur du diable directement. Tu dis que mais ça pue, je dois réagir, je dois dire que bah, je ne veux pas écouter ça. Et c'est pour cela que c'est comme ça que tu réagis en fait. Christ was here. You know, when Jesus was here, it was like that. Exactly. Here, why also? Et quand Jésus-Christ était ici, il était comme ça. No matter how good what they call good that they are doing, you can always see the devil there. Egal wie sehr sie es Gutes nennen, er konnte den Satan dort immer erkennen, ihren Werken. Importe comment les gens disaient que ben, c'est bien, c'est que les personnes sont en train de dire, Jésus-Christ, lui, il voyait toujours le mal et il disait, il corrigeait directement. Immediately there's correction. Direct gab es Bewertung. Never keep it. Er hat das nicht verborgen. Il a toujours réagi à ce mal qu'il voyait ou bien qu'il sentait. Remember Matthew 8, Matthew 16. The good of this world, Peter said, you will not die. Das Gute dieser Welt. You know, if you tell somebody tell you that today, and you just say, get behind me, Satan. That person will say, what? So nothing I said before you is good. Mm-hmm. Und, you will die, I'm destroying that before you, and you are saying, you are calling me Satan. Und würde diese Situation heutzutage passieren, ne, dann würde man sagen, okay, alles, was ich sage, das verweigerst du. Ne? Das Gute, was ich sage, das verweigerst du auch. Mm. Aber immer wieder diese Belehrung, immer wieder dieses Meckern und Nörgeln. Et tu peux voir que même à Matthieu où l'apôtre a dit à Jésus-Christ que tu vas pas mourir, et Jésus-Christ, si tu étais quelqu'un d'autre, il avait dit que mais Jésus-Christ, directement, il a senti que c'était le diable derrière ça. Il a dit que, arrière de moi, Satan. Quelqu'un d'autre va dire que, arrière de moi, Satan. Moi, je suis bien envers toi. J'essaie même de détruire la mort à tes côtés. Toi, tu m'appelles maintenant Satan. Ça, c'est comment ça? Et c'est comme ça que les gens réagissent. You know, Christ, Jesus did not hate the Pharisees. He loved them. Hat die Pharisäer nicht gehasst, er hat sie geliebt. Jésus-Christ n'a pas détesté les Pharisiens, il les a aimés. He called their father the devil so that they would repent. Er hat ihren Vater den Satan genannt, damit sie Buße tun. It's not to destroy them, for them to repent. Jésus-Christ zu zerstören, damit sie Buße tun und einen neuen Vater empfangen. Jésus-Christ a appelé les Pharisiens, il a dit que votre père c'est le diable. Il n'a pas dit ça pour se moquer d'eux ou bien pour les détruire, mais il a dit ça pour qu'ils puissent avoir le temps de se repentir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in Matthew 11, we go this time. Matthew 11. Matthew 11. Amen. Amen. He talks to those, you know, correcting people. Because his correction offend people. Mm. You know, he's been there for how he speak offend people. What he says, you know, he never pet people like the world pet people. Mm. He just give them the truth. He will see it as an offense. Go to Matthew 11. Matthäus 11, denn er hat Leute nie einfach, er hat Leute nicht fleischlich Honig um den Mund geschmiert, sondern er hat die Wahrheit verkündigt und das hat Leuten nicht gefallen. Er ist ihnen oft auf die Füße getreten, hat sie provoziert mit seiner Art, wie er geredet hat und entschieden hat. Donc Matthieu nous fait voir ici que la manière laquelle Jésus-Christ il a parlé aux pharisiens, ça les a vraiment provoqués. Il n'était pas vraiment, il n'était pas doux en fait, il n'était pas lentement avec eux, ben je vous aime, il disait directement. Directement, votre père, c'est le diable, repentez-vous, vous n'aimez pas la vérité. C'est comme ça qu'il parlait avec un feu, là, avec cette puissance-là, directement. Et tu vois que c'est pas comme la religion veut nous faire voir comment il faut parler avec les gens. Praise the Lord. Hallelujah. If you're ready from verse 1, you can see things there. Yes, Amen. From verse 2. Let's read from verse 1. And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now, when John had heard in the prison the words of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Somebody was almost being provoked here. Il était fashion provoqué. Amen. That's offense. Ici, on voit que quelqu'un était provoqué. Il était vraiment offensé. If you don't know the ways of the Lord, you will be offended by him. Wenn du die Wege des Herrn nicht kennst, wirst du Anstoß nehmen. C'est une Frage der Zeit. Si tu connais pas les chemins de l'Éternel, tu seras offensé. C'est une question de. And that's why people that are always false want to force him to do things. Yeah, they are always offended by him. By true fasting. You know, they fast and fast. And they meditate on how much they did not eat. Amen. And so they may make them to be offended with God. Leute, die im Gesetz leben und deswegen versuchen durch ihre Werke, durch ihr Fasten, Gott zu zwingen, ihnen Dinge zu übergeben. Und wenn diese Dinge dann nicht kommen, sind sie wütend auf Gott. Weil sie sich denken, ich habe so viel Hunger gelitten für dich, ich hatte so viele Schmerzen wegen dir und du gibst mir das trotzdem nicht, du bist ein bösartiger Gott. Die sind voller Wut und voller Unzufriedenheit. Et tu vas voir que tous ces gens-là sont en train d'essayer de forcer l'Éternel à leur donner ce qu'ils ont besoin. Eux, par exemple, sont en train de forcer l'Éternel, ils sont en train de faire des jeûnes, des prières, et maintenant ils vont dire que ah, j'ai vraiment pendant 40 jours, j'ai pas mangé, l'Éternel, tu m'as pas donné ça. Toi, vraiment, c'était tu as un mauvais God, Dieu. You know, here we help you to know that Jesus did not come for what man or religion call good. Es hilft uns zu erkennen, dass Jesus nicht für das gekommen ist, was der Menschen Religion gut nennt. Et ça va te voir que ça va t'aider à voir que l'Éternel Jésus-Christ n'est pas venu pour ce que le monde appelle bien. He did not go and visit John in prison to give him water, to give him tea, to be there for him, natural, physically. There was nothing physical. Er ist nicht zu Johannes ins Gefängnis gegangen, um ihm, keine Ahnung, frische Unterwäsche mitzubringen, was zu trinken, was zu essen, und für ihn da zu sein. Das hat er nicht gemacht. Il n'est pas venu vers, il n'est pas parti chez Jean-Baptiste pour lui donner de l'eau, pour dire que ah cousin, on t'a mis en prison, je suis là venu pour te visiter, toi tu es en prison parce que tu voulais du bien, tu m'as aidé. Non, Jésus-Christ ne l'a pas fait. No, naturally, the John disciples, they were even more there for him more than Jesus. Und natürlich gesehen würde man sogar sagen, dass die Jünger von Johannes sogar loyaler waren als Jesus Christus selbst. Et naturellement, tu vas voir que les disciples de Jean-Baptiste étaient plus loyaux envers Jean-Baptiste que même Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'a même pas visité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let it be the Spirit. Aber das was der Geist ist. Mais toi, pour toi, ça va toujours. L'importance pour toi, ça va toujours être l'esprit et pas la chair. Und nicht das Fleisch. I love it. I don't even know where I did. I don't love in the Bible. Amen. Und ich liebe diese Stelle und eigentlich gibt es gar keine Stelle, die ich nicht liebe in der Bibel. Et moi j'aime bien ce passage parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de passage que je n'aime pas dans la Bible. Are you the one we are to wait for, or should we wait for another? Are you the one we are expecting? Because I cannot see anything good in it. It's as if there was nothing good in it. Bist du derjenige, auf den wir warten? Nobody can see. Oder würde ich mit jemandem verwechselt, weil ihr versteht gar nicht, was hier passiert. Ist das normal? Also, was geht hier vor? Et si tu vois que avec la question qu'ils sont en train de lui demander, ils disent que mais est-ce que tu es la personne qu'on est en train d'attendre, ou bien qu'est-ce qui se passe ici parce que on comprend pas la façon laquelle tu vis, ou bien tu fais les histoires. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Well, no, John might even be saying that he was in the prison because of Jesus and upon all. Und Johannes könnte sogar darauf plädieren, dass, ey, ich bin sogar wegen ihm im Gefängnis, nicht wegen mir selber. Und weshalb ist er dann nicht hier? Et même, il peut dire ici aussi aujourd'hui, Jean-Baptiste peut aussi dire que mais j'étais même en prison à cause de Dieu, de Jésus-Christ, parce que j'étais en train de dire aux gens qu'il est en train de venir, le Messie, et c'est pour cela qu'on m'a mis dans la prison. Mais il était là, il n'est même pas venu me rendre visite. Praise the Lord. Amen. Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up. And the poor have the gospel preached to them. Verse 6. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. That is the hammer. Blessed is he who will not be angry, will not take it as an offense. Glückselig sind die, die nicht auf Hass sind nach meiner Belehrung, ne, die keinen Anstoß an mir nehmen. Donc il dit ici que béni soit heureux sont ceux qui écoute ma correction, ils ne sont pas blessés ou bien ils ne prennent pas offense à ce que je suis en train de leur à mes corrections. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He gave him, you know, look at the correction. The correction was not, no, it was not something that somebody will receive. We say good. Amen. You know, John referred him to the scripture. That was the correction. Die Belehrung ist nicht eine Belehrung, die man sich im Zustand von Johannes fleischlich wünschen würde, ne, im Gefängnis zu sitzen und dann nur diese Worte in Anführungszeichen zu bekommen. Donc tu vas voir que la correction, c'était même pas une correction qui était, il avait même, c'était même pas pitoyable pour Jean-Baptiste parce qu'il s'est retrouvé dans la prison, mais au lieu d'écouter quelque chose qui est un peu qui va lui donner encore de réconfortation, il est en train d'écouter les histoires comme ça. You know, John could have been pleased more here from verse 7 to 10. He could have, if Jesus had given him this very place, he could have been, the flesh could have loved it. Amen. You know, the word people can see, it was his absence that Jesus began to say this. Und das, was aber Johannes, how great in the flesh John the Baptist was. Aber das, was Johannes wahrscheinlich eher gefallen hätte können oder eher schmeicheln hätte können, wäre das, was Jesus ab Vers 7 sagt. Aber Jesus sagt es bewusst, nachdem die Jünger von Johannes gehen, damit sie es eben nicht weitertragen an Johannes. Erst dann fängt er an, ihm diese Komplimente vom Fleisch zu machen. Denn er will nicht, dass wir am Fleisch leben. Donc on voit ici que Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples à parler avec Jésus-Christ pour avoir quelque chose de lui réconforter, un message de réconfortation. Mais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit des histoires qui sont un peu de, quand tu vas voir ça à verset 4 à 5, tu vas voir que c'était pas vraiment des réconforts. Mais à verset 7 à 10, il est en train de dire des histoires. Il a maintenant commencé à louer Jean-Baptiste. Il a dit que bon, c'était une bonne personne en fait. C'était des histoires que normalement il devrait, Jean-Baptiste s'y attendait à écouter des histoires comme ça, mais lui, Jésus-Christ, il a dit ça après que les disciples sont partis, parce que il veut pas que Jean-Baptiste puisse marcher dans la chair, mais même marcher dans l'esprit. C'est pour cela il va pas te louer directement comme ça, pour que tu puisses rester en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, our prayer should be, Father, help us to live in the spirit. Unser Gebet sollte sein, Vater. Galatians 5 said, if we live in the spirit, let us walk in the spirit. Hilf uns, im Geist zu leben. Help us to live in the spirit. Help us to remain in the spirit. Hilf uns, im Geist zu bleiben, ständig.